بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. حياكم الله. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au 19e hadith. Donc Abu Tha'laba al-Khushani, qu'Allah l'agré, rapporte: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: nous sommes sur une terre habitée par des gens du livre. Pouvons-nous manger dans leur récipient? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: n'y mangez pas, sauf si vous n'en trouvez pas d'autres. Dans ce cas, lavez-les d'abord, puis mangez dedans. Donc le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc ce hadith, il est d'après Abu Tha'laba al-Khushani, radiallahu an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Et les savants du hadith ont divergé concernant son prénom. Ils ont divergé concernant le prénom de ce sahabi, Abu Tha'laba al-Khushani. Ils ont divergé concernant son prénom et celui de son père. Et beaucoup d'avis ont été mentionnés à ce sujet. Mais ce compagnon est connu par sa kunya, comme certains compagnons, tels que Abu Huraira ou tels que Abu Sa'id al-Khudri, ou encore Abu Musa al-Ash'ari et d'autres, radiallahu anhum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Donc Abu Tha'laba al-Khushani rapporte: j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: nous sommes sur une terre habitée par des gens du livre, pouvons-nous manger dans leur récipient? Donc lorsqu'il dit radiallahu an, les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. D'accord ? Lorsqu'on dit Ahlul Kitab, les gens du livre, ce sont Al-Yahoud ou Al-Nasara, les juifs et les chrétiens. Et ils ont été surnommés de la sorte car Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé deux livres qui sont la Torah et l'Évangile. La Torah, donc la Torah, fut révélé au prophète Moussa, alayhi salam. Tandis que l'Injil, l'Évangile, fut révélé au prophète Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et les savants ont mentionné que la Torah est le livre mère. C'est pour cela que dans l'Évangile, il n'y a pas beaucoup d'ajouts en termes de choses légiférées. Les savants, ils ont dit que la Torah, c'est le livre mère et vient après l'Évangile. Et dans l'Évangile, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été rajoutées à la Torah en termes de choses légiférées. Et les gens du livre ont des jugements particuliers par rapport aux autres mécréants. Parmi ces jugements, le fait que leur bête immolée nous est licite. Et la preuve de cela réside dans le verset 5 de Surat Al-Ma'ida, Surat la table servie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Ils disent, Azza wa Jal, dans la traduction rapprochée du verset, aujourd'hui, toutes les bonnes choses vous sont permises, ainsi que la nourriture des gens du livre, tout comme votre nourriture l'est pour eux. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu an, wa an abi, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nourriture des gens du livre, il dit que ce qui est voulu, c'est leur bête immolée. Donc Abdullah ibn Abbas, il dit que ce qui est voulu par la parole d'Allah, selon le sens, la nourriture des gens du livre, ce qui est voulu, c'est leur bête immolée. Comme l'a rapporté l'imam At-Tabari dans son tafsir. Et nous avons aussi certaines preuves dans la sunna qui nous montrent cela. Parmi elles, le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu an, qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim. Et ce hadith-là indique qu'une femme juive apporta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du mouton empoisonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mangea. Aussi, ikhwani fillah, il y a le fait qu'il est permis à un musulman de se marier avec une femme juive ou chrétienne. Par contre, il est strictement interdit à la femme musulmane de se marier avec un juif ou un chrétien. Et ici, ikhwani fillah, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est très important. Malgré qu'il soit permis aux musulmans de se marier avec une femme parmi les gens du livre, le mieux est qu'ils se marient avec une musulmane. Car ceci est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est venu dans le hadith de Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on épouse une femme pour quatre raisons: sa richesse, son rang, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu réussiras. Et il y a donc dans ce hadith une recommandation ainsi qu'une incitation à ce que le musulman se marie avec une femme pour sa religion. Et en ce qui concerne ikhwani fillah, la femme musulmane, il lui est strictement interdit de se marier avec un homme des gens du livre. Et malheureusement, certaines de nos sœurs, qu'Allah leur accorde la réussite, n'ont pas pris en considération cette interdiction. Et cette désobéissance a souvent été une cause de régression dans leur religion. Ou souvent cela a été une cause que ces sœurs disent ou fassent des choses contraires à l'islam. Parmi ces paroles, nous avons ce que disent certaines d'entre elles, qu'Allah les réforme. Certaines d'entre elles disent « Je respecte la religion de mon mari », c'est-à-dire « Je respecte le christianisme ou le judaïsme ». Ou encore la parole suivante « Lorsque notre enfant va grandir, je lui laisserai le choix entre l'islam et le christianisme. Et dans le cas où il choisit le christianisme, je respecterai son choix et je l'aiderai dans sa démarche et dans son cheminement. » Et tout ce genre de paroles, ikhwani fillah, sont contraires au tawhid, sont contraires à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le musulman doit se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Et ce genre de phénomène, ikhwani fillah, n'est que le résultat de vivre parmi les mécréants. En effet, lorsqu'on vit avec eux, qu'on grandit avec eux, qu'on s'habitue à eux, parfois on finit par les aimer. C'est pour cela que le musulman doit quitter ses terres de mécréance pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Nas'alullah al-afiyata wa salam. Donc Abu Tha'laba al-Khushani rapporte « J'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes sur une terre habitée par des gens du livre. Pouvons-nous manger dans leur récipient ? » Il répondit « N'y mangez pas, sauf si vous n'en trouvez pas d'autres. Dans ce cas, lavez-les d'abord, puis mangez dedans. » Donc Abu Tha'laba radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de manger dans les récipients des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, n'y mangez pas, sauf si vous n'en trouvez pas d'autres. Dans ce cas-là, lavez-les d'abord, puis mangez dedans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger dans leur récipient. Et la question qu'on se pose, ikhwani fillah, question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela? Est-ce qu'il a interdit cela parce que leurs récipients sont impurs? Ou bien c'est pour une autre raison? Et la réponse à cette question est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela pour que le musulman ne se mélange pas avec les gens du livre. Mais il n'a pas interdit cela, car leurs récipients sont impurs. Car si cela aurait été le cas, il n'aurait pas donné comme condition de ne pas en trouver d'autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger dans les récipients des gens du livre pour ne pas qu'on se mélange trop à eux. Car si on viendrait à manger dans leurs récipients et qu'eux aussi viendraient à manger dans les nôtres, nous nous mélangerons à eux. Et le musulman doit éviter de se mélanger avec les gens du livre tant qu'il peut, à part pour une grande nécessité. Donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith est de ne pas manger dans les récipients des mécréants, sauf si nous n'avons pas la possibilité d'en trouver d'autres. Dans ce cas, nous devons les laver, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième enseignement, l'intérêt qu'avaient les compagnons à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ne connaissaient pas le jugement d'une chose, Les compagnons questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons posaient leurs questions aux savants parmi les compagnons, tels que Abdullah ibn Abbas par exemple, ou tels que Aisha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce procédé, walillah alhamd, est toujours d'actualité. Par la grâce d'Allah, lorsque certains sujets posent problème aux musulmans, ils reviennent aux gens de science. Et il est certes obligatoire de questionner les gens de science lorsqu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Le troisième enseignement, l'intérêt que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que le musulman s'écarte des non-musulmans, car il a interdit de manger dans leur récipient. Et comme vous le savez, il est certes dangereux de se mélanger aux mécréants. Car à force de se mélanger aux mécréants, il est fort probable que le musulman se mette à parler comme eux, à penser comme eux, à avoir leurs habitudes. C'est pour cela qu'il est impératif que le musulman reste avec les musulmans et que le musulman vive et réside dans les pays musulmans. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, mentionne le hadith de Imran ibn Hussein. Donc Imran ibn Hussein, radiallahu an, rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait leurs ablutions avec l'eau d'une outre appartenant à une polythéiste. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, ikhwani fillah, il a une histoire. Et cette histoire est que lors d'un voyage, les compagnons rencontrèrent une femme. Et comme ils cherchaient de l'eau, ils lui demandèrent où est l'eau. Et cette femme répondit à une journée et une nuit de marche. Donc elle répondit que l'eau se trouve à une journée et une nuit de marche. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam amenèrent alors cette femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui la questionna. Et elle répondit la même réponse qu'elle donna aux compagnons auparavant. Mais cette femme avait en sa possession deux outres qui étaient remplies d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons burent de l'eau de cette outre et firent leurs ablutions sans que l'eau de ces deux outres diminue. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on donne à cette femme de la nourriture pour qu'elle puisse nourrir ses enfants, car cette femme était veuve. Et lorsque cette femme rentra chez les siens, elle leur raconta ce qu'il venait de se passer. Et après avoir entendu cela, les gens rentrèrent, walillah alhamd, dans l'islam. Et cette femme aussi se convertit, walillah alhamd, à l'islam. Et donc ce qu'on retient de tout cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont fait leurs ablutions avec l'eau de cette outre. Et cette outre appartenait à une polythéiste. alors que les bêtes immolées des polythéistes sont interdites, et la peau de leurs bêtes immolées sont considérées comme la peau de l'animal mort. Mais la peau de l'outre de cette femme était tannée, et la peau d'un animal immolé par les polythéistes est pure lorsqu'elle a été tannée. Et c'est pour cela que l'auteur a mentionné ce hadith. C'est pour montrer que la peau tannée est pure. Que ce soit la peau d'un animal mort sans être égorgé, ou que ce soit la peau d'un animal qui a été immolé par des polythéistes, comme c'est le cas ici. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est qu'il convient de rétribuer celui qui nous rend un service. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rétribué cette femme en lui donnant à manger. Le deuxième enseignement, la pureté de la peau tannée. Le troisième enseignement, la permission de rétribuer un mécréant lorsqu'il te rend un service. Et ceci fait partie des bons comportements de l'islam. Et le quatrième enseignement, il y a dans ce hadith un signe de la prophétie. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont bu l'eau de cette outre et ont fait leurs ablutions, l'eau n'a pas diminué. Et donc ceci est un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam.